Label Rock, tous les dimanches soirs de 18h à 20h sur 89.4. Deux heures de son pas comme les autres. Pop Rock, Electro, Reggae, World. Toute l'actualité des labels indés, tout de suite dans Label Rock. 18h en ce dimanche 25 avril, tout va bien ici, j'espère que vous avez passé un agréable week-end en ce... Eh ben, glorieux, hein. Dimanche, il fait super beau. Ça sent le barbecue jusque dans le studio. Moi, ici, je suis équipé jusqu'à 20h. J'ai mes disques, j'ai le casque. Ma foi, tout marche bien. On peut y aller. C'est Label Rock jusqu'à 20h. I'm gonna build a mountain from a little hill. I'm gonna build a mountain. At least I hope I will. I'm gonna build a mountain. I'm gonna build it high. I don't know how I'm gonna do it. I only know I'm gonna try. I'm gonna build a daydream from a little hope. I'm gonna push that daydream up a mountain slope. I'm gonna build a daydream. I'm gonna see it through. I'm gonna build a mountain and a daydream. Gonna make them both come true. I'm gonna build a mountain, from a little hill. From a little hill. I'm gonna build a mountain, at least I hope I will. I don't know how I'm gonna do it. I only know I'm gonna try. I don't know how I'm gonna do it. I only know I'm gonna try. I don't know how I'm gonna do it. I only know I'm gonna try. I don't know how I'm gonna do it. I only know I'm gonna try. Tous les dimanches, 18h-20h, Label Rock avec Sébastien Agas. Mm-hmm. la fraîcheur pour commencer ce programme Label Rock en ce dimanche 25 avril. Comme je vous le disais, tout va bien ici. Des fois, on a quelques problèmes techniques, mais tout est résolu. Et ça va bien se passer jusqu'à 20h. Sébastien Agaz, donc aux manettes, avec un extrait du premier album du projet anglais Broadcast 2000. Un projet à ne pas confondre avec Broadcast, un autre groupe britannique situé lui aussi à Birmingham en Angleterre. Non, Broadcast 2000, c'est essentiellement l'œuvre de Joe Steer, un petit malin, un touche-à-tout et multi-instrumentaliste. Comme la scène britannique a l'habitude d'en pondre, c'est un album de 11 titres qui est disponible sur un label qui s'appelle Groenland Records, distribué en France par Piass, avec dans la foulée, un autre groupe distribué par Piass et qui lui aussi distille de superbes mélodies folk, c'était évidemment les Tung, extrait du dernier album qui s'appelle And Then We Saw Land, quatrième album pour les Tung, qui seront en France cette semaine, le jeudi 29 avril à la Vapeur à Dijon et le vendredi 30, donc le lendemain, à la Maroquinerie de Paris. Vu qu'il fait beau dehors et que j'ai envie de jouer de la musique fraîche comme ça, et ben ça va faire plaisir, tiens, à tous les amoureux du 89.4 et puis tous ceux qui nous écoutent via le podcast. Une nouveauté anglaise, et oui, ça change, sur un label qui s'appelle Young and Lost Club. C'est un single de titre, le groupe s'appelle Planet Earth. Why don't you come back to me, my friend? Let's fall in love one time again. If you don't know the words, you should hum the tune. I'm falling in a love with you. Our hearts were made for time to break. Falling for you's a habit I can't shake. If only had one thing left to do, I'd fall in a falling in a love with you. Légèreté et très belle mélodie pop sur ce single de titre signé Planet Earth, Falling Into Love, disponible depuis quelques jours sur le tout petit label anglais qui s'appelle Young and Lost Club. Au programme de Label Rock ce soir, beaucoup de très bonnes choses, franchement il y en aura pour tout le monde, de la pop, du rock, du punk, de l'électro, et puis retour aussi sur les mardis du Grand Marais avec deux excellentes sessions qui vont faire plaisir à tous ceux qui aiment le hip-hop et notamment le hip-hop abstrait. Robert le Magnifique en live ce soir dans ce programme, et puis évidemment les Lyonnais, les trois Lyonnais de Scratch Bandit Crew, enregistrés mardi dernier du côté de Riorges. On continue avec ce petit soleil qui envahit et qui est bien agréable dans la rue de Sully à Rouen. On continue avec toujours une nouveauté anglaise, signée par un groupe du nom de High Wire. Ça s'appelle Sleep Tape. L'album s'appelle lui aussi Sleep Tape, disponible sur le label Grandpa Stan. See what they can do. les amoureux de pop seront comblés s'ils se procurent ce premier album de ce trio anglais qui s'appelle The Highwire. L'album s'appelle The Sleep Tape, disponible depuis quelques semaines sur le label qui s'appelle Grandpa Stan, le grand-père Stan, voilà. Avec dessus de très belles harmonies vocales, garçon-fille, comme sur ce titre qui s'appelle aussi Sleep Tape, avec tout de même de belles montées en puissance émotionnelle. C'est une nouveauté donc du nom de Highwire. On continue en musique avec d'autres nouveautés. Nouveau single pour l'anglo-jamaïcaine Grace Jones. Extrait de son album qui s'appelle Hurricane. Le single s'appelle Love You to Life, présenté ici en version dub. Ça sort en maxi ainsi qu'en téléchargement numérique sur le label Wall of Sound. Vous écoutez Label Rock ensemble avec Sébastien jusqu'à 20h. Le dernier album Hurricane était vachement sympa. Ce nouveau single signé Grace Jones est tout simplement énorme. Love You to Live, présenté ici donc en version dub. Je vous rappelle, ça va sortir en maxi vinyle et en téléchargement numérique. Tout ça sur le label Wall of Sound. Et je crois que du côté de la distribution en France, ça doit être distribué par Pias. Vous écoutez Label Rock avec Sébastien jusqu'à 20h sur le 89.4 et 24h sur 24. Évidemment sur www.virginradio1.fr. Allez faire un tour sur le blog de l'émission que vous trouverez donc sur le site officiel de Virgin Radio 1. Vous cliquez sur l'onglet Label Rock et vous aurez de belles surprises, notamment pour tous ceux qui demandent de l'électro. C'est pas toujours simple à passer en FM. On s'est un petit peu lâché sur le blog. Vous trouverez une session de 3 heures à télécharger ou à écouter en streaming si vous avez la DSL, il n'y a aucun souci. Et puis vous trouverez aussi un live qui est tombé, un magnifique live de Laurent Gagné enregistré à Paris il n'y a pas si longtemps que ça. Laurent Gagné qui sera du côté des Nuits Sonores à Lyon et l'équipe de Label Rock y sera aussi. Donc on essaye de pouvoir caler une interview, ça devrait être plutôt sympa. Puisqu'on parle de DJ, j'ai eu l'occasion de faire le DJ il n'y a pas si longtemps que ça, où on m'a demandé de faire de jouer de la funk et de la soul, ce que je ne fais pas souvent dans ce programme, ce qui est bien dommage, surtout quand on reçoit des nouveautés comme ça. So many times I've played the game of love, but it always ends in vain. I'm back in the ring with my Bach singing love, so I'm gonna feel some pain. Now how many times can I lose this game of love? I had a love who played with my soul, and it hurt so bad. Mm-hmm. And I tried to live on my own, and it made me sad. And the game gets old, just a memory untold. And the game gets old. I found out there are no rules to the game, and it don't make no sense at all, like shooting an arrow with my cards on the table, win, lose, or draw. Another million. très belle nouveauté signée par les New Yorkais Sharon Jones and the Tap Kings, hein, rangé du côté des disques soul. Le nouvel album s'appelle I Learned the Hard Way, quatrième album sur le label Daptone Records. Retour à un son, un soul beaucoup plus traditionnel, hein. En l'occurrence celui de Philadelphie. Alors les plus cyniques, j'étais fait un tour sur l'internet, beaucoup de critiques qui disent que bah, y a rien de nouveau du côté de chez Sharon Jones, mais il faut bien admettre en tout cas que c'est vachement bien fait, hein, comme d'habitude avec les Dap Kings, hein, d'ailleurs. L'album lui est donc distribué en France par Different. Je vous rappelle ce soir en session Scratch Bandits Crew pour une session hip hop scratch, et puis on terminera avec du très bon son Electronica signé par un Français qui a officié du côté de Riorges la semaine dernière. Il s'appelle Robert le Magnifique. Du côté des emails, je suis branché donc, allez-y, virginradio1@orange.fr. C'est ce que vient de faire d'ailleurs Fabien et Catherine qui me félicitaient d'avoir passé un petit disque soul. Bah écoutez, il n'y a pas de souci. Je suis en train de regarder dans les archives et je suis en train de caler un truc qui m'a bien plu aussi, que j'ai découvert ce week-end, qui s'appelle The Bamboos. C'est un petit peu dans le même état d'esprit, mais en plus funky. reprise d'un titre des Kings of Leon par le supergroupe funk soul australien The Bamboos. Si vous ne connaissez pas les Bamboos et que vous aimez votre musique la plus groovy possible, il est grand temps de les découvrir car ils sont tout simplement énorme. D'ailleurs, il y a un nouvel album hein, qui sort. Il s'appelle 4, comme le chiffre 4. Et les Bamboos, hein, qui sont donc australiens et qui se sont formés en 2001 et qui cartonnent depuis un petit peu de partout. Hein. Ils seront d'ailleurs en concert en France à partir du 8 juin, puisqu'ils seront au Festival Contretemps à Strasbourg le 8 juin. Le 15 juin à Bordeaux à la salle Tatry, le 16 juin à Paris à la Bellevilloise, le lendemain à la Vapeur de Dijon, le surlendemain donc le 18 juin à Marseille, un endroit qui s'appelle le Poste à Galènes, et ils termineront leur mini tournée française du côté de Puget-sur-Argent au Mât, ça sera le 19 juin. Vous écoutez Label Rock et ça fait vraiment plaisir d'être ici avec vous. On va continuer avec de la pop encore. C'est vraiment frais ce soir, ça me fait plaisir. Allez, ça s'appelle De Rodeo, un titre qui s'appelle Love Is Not On The Corner. My mom has no boyfriend yet. She's addicted to men like cigarettes, sometimes found on the internet. It won't work, one too bad. Love's not on the corner or in the neighborhood. One bread in the future, I don't believe a word. Love's not on the corner or in the neighborhood. What you've read in the future, I don't believe a word. My friend has problem with a love life. Men always have their wife. My old man, the stag of the decade, told himself no more dates. Love's not on the corner or in the neighborhood. What you've read in the future, I don't believe a word. Love's not in the corner or in the neighborhood. What you've read in the future, I don't believe a word. If you think that you'll find out a ladder to the moonlight, if you believe in heaven, where am I supposed to run? Something in the air that could drive us to share. If we double lock the door, nobody can see that we work more. Love's not in the corner or in the neighborhood. One breath in the future, I don't believe a word. Love's not in the corner or in the neighborhood. One breath in the future, I don't believe a word. Love is not on the corner, extrait d'un album d'une artiste française qui s'appelle Dorothée, qui se cache donc derrière l'anagramme de Rodeo. C'est son premier album. L'album s'appelle Music Maelstrom. Il est disponible chez Naïve. À noter que cet album a été en partie enregistré à Montreuil en France et ensuite mixé du côté de Dallas au Texas. Et ceci grâce aux mains expertes de Stuart Sykes, hein, qui a entre autres travailler avec The Walkman, Cat Power et White Stripes. C'est du très bon folk. Hein, si vous aimez ce genre de voix féminine très fraîche, voilà. L'album s'appelle donc Music Maelstrom et elle enregistre sous le nom de Rodeo. Autre nouveauté française, ce coup-ci, je vous emmène dans la jungle. Et oui, pourquoi pas. La fiancée du crocodile, je veux l'épouser, ça me titille, j'y peux rien, c'est plus fort que moi. La fiancée du crocodile, moi je suis sûr qu'elle en pince pour moi. On fera une croisière sur le Nil, visiter la vallée des rois. La fiancée du crocodile, je sais jamais ce qu'elle imagine derrière ses paupières qui bougent pas. Je sais bien que quand je serai sénile, elle versera pas une larme pour moi. Et puis les larmes de crocodile, on sait pas si c'est franc ou pas. La fiancée du crocodile, je l'arracherai à son régulier. On ira vivre sur une île sous la protection d'un sorcier. On prendra la fuite à la nage pour mettre fin au commérage et ne pas se faire dénoncer. Et si elle supporte pas l'exil, je la garderai en otage, car mine de rien, elle est volage. Faudra que je la surveille, la coquille. J'aime bien que quand je casserai ma pipe, elle versera pas une larme pour moi. L'enterrement, il sera pas utile avant de me bouffer, M. Noir. Je serai sénile, elle versera pas une larme pour moi. Et puis les larmes de crocodile, on sait pas si c'est franc ou pas. Je lui aiguiserai les canines, je lui retrousserai les babines, je lui arrondirai les griffes. Je fabriquerai des mitaines, je lui remonterai les bretelles, je lui astiquerai le cuir. Dans la piscine, je mettrai de la boue en souvenir du marécage où a commencé notre amour. Je lui préparerai la cuisine et je lui mijoterai des petits plats, de la purée de noix de coco ou de la tarte à l'ananas. La fiancée du crocodile ne dévore pas n'importe quoi, car sa santé est très fragile, elle a l'estomac délicat. La fiancée du crocodile. La fiancée du crocodile. La fiancée du crocodile, franchement j'aime beaucoup ce morceau, j'aime beaucoup cet album aussi, hein. L'album s'appelle justement La fiancée du crocodile, nouvel album pour un duo français composé de Fabien Guidolet et de Delphine Passant. Ils enregistrent sous le nom de Vérone, V-E-R-O-N-E, V-E-R-O-N-E, et l'album va sortir le 17 mai prochain. C'est leur deuxième album, hein, qui va sortir sur le label bordelais qui s'appelle Talitres. Alors c'est difficile de classer cet album et il faudra vraiment que vous puissiez l'écouter donc à partir du 17 mai prochain, car il faut rentrer dans l'univers de Vérone. Mais il y a des titres qui sont très très sympas, on aura l'occasion d'en découvrir, hein, sur le 89.4 au cours des prochaines semaines. Je vous rappelle dans ce programme du live avec les Scratch Bandits Crew, ça va arriver juste à 19h, et puis pour terminer l'émission on fera la part belle au live de Robert le Magnifique avec un large extrait de cet excellent concert qui s'est déroulé donc mardi dernier. En attendant, on remet du rythme à nouveau dans cette émission. Retour back to business, hein, comme ils disent les Anglais. Perk et Passera Death Squad, un titre qui s'appelle Temperature is Rising. Vous écoutez Label Rock jusqu'à 20h. tous les dimanches, 18h-20h, La Belle Rock. Like dancing on fire. Est signé Perk et Passarella Def Squad. Le titre Temperature is Rising, un titre que m'a fait découvrir l'excellent DJ lyonnais Agoria récemment lors d'une soirée du côté de Saint-Étienne. Un titre qu'on a découvert d'ailleurs sur sa dernière compilation qui s'appelle Balance numéro 16, duo londonien donc Passarella Def Squad composé de Danny Brodol et Kingsley Gratrick. Accompagné pour l'occasion par la chanteuse française qui s'appelle Emily Albi Serre. À E3, ils créent de la très belle électro. Et ils enregistrent sur un label qui s'appelle The Republic of Desire. Avec, j'ai été faire un tour sur le net, apparemment un album en préparation, ce qui est de très bonne augure. Voilà. On va revenir à du son plus rock, électro-rock, pour faire la transition avec une nouvelle sensation belge qui s'appelle Vismetz. Et apparemment, d'après l'email que j'ai reçu de Christophe Tasté, le manager du label qui vient de les signer, Voici, bah je vous le lis, hein, carrément. Les Ginzou sont hyper jaloux de leur poulain, les Vismets. On vient de les signer, je t'en dis plus dans l'année. Pas d'album pour l'instant, mais c'est prévu normalement pour septembre. Mais en attendant, je t'envoie le titre phare du groupe en ce moment. Ça s'appelle Wasted Party. Ciao, Christophe. Et ben, on s'écoute ça justement. Wasted Party, donc, ils sont belges et ils s'appellent Vismets. Could I believe in anything as long as you take? répétera jamais assez, mais les Belges sont très doués pour la musique. La preuve avec cette nouvelle sensation qui vient donc de Belgique. Le groupe s'appelle Vismets, Danny, Tony, Nicky et Rami. Le single qui cartonne en ce moment qui s'appelle Wasted Party, d'après Christophe donc Tasté, un manager du label qui vient de les signer en France. L'album est prévu pour septembre. On va quitter la vieille Europe et on va partir du côté du nouveau continent avec un duo américain qui s'appelle The Black Keys, de retour dans les bacs et par la même occasion dans la belle rock. Vous avez dit que vous alliez être gâté côté nouveauté ce soir. Celle-ci est signée par le duo américain The Black Keys, extrait du sixième album qui va sortir le mois prochain, le 18 mai pour être précis. Un album qui s'appelle Brothers, donc The Black Keys de retour dans les bacs, ça fait plaisir. Un album autoproduit, hein, puisque c'est Dan Auerbach et Patrick Carney eux-mêmes qui ont produit cet album. Il y a tout de même un titre qui s'appelle Tighten Up, il me semble, qui est produit par Danger Mouse, hein, qui avait produit le précédent album. Ça aurait pu être l'album de la semaine, mais ça ne l'est pas. L'album de la semaine est signé par Flying Lotus, nouveauté sur l'excellent, toujours aussi excellent label électronique qui s'appelle Warp en Angleterre, Flying Lotus. L'album s'appelle Cosmogramma, il sortira le 4 mai prochain. Je ne sais pas s'ils sont du côté des Nuits Sonores, je vais me renseigner. En tout cas, le titre que je vais vous jouer qui s'appelle Do the Astral Plane est tout simplement énorme. Je l'ai joué toute la semaine. Chica, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa Simplement énorme, j'adore Flying Lotus sur le label Warp Records, single de la semaine dans ce programme. Et haut la main, s'il vous plaît. L'album s'appelle Cosmogramma. Il sera disponible le 4 mai prochain sur Warp. Enfin, je ne sais pas qui c'est qui distribue Warp, mais il faut absolument, absolument vous procurer cet excellent disque. Allez, premier retour sur mardi dernier du côté de Riorge avec deux groupes ce soir dans ce programme. Robert Le Manier magnifique et les Scratch Bandits Crew. On va commencer avec les Scratch Bandits Crew. Je vais prendre mes petites notes, mon petit carton, comme Michel Drucker, tiens, par exemple. Les Scratch Bandits Crew, découverte Rhône-Alpes du printemps de Bourges en 2009. Les trois Lyonnais du Scratch Bandits Crew, c'est avant tout un projet total, son image, lumière, scénographie, mené par DJ Soupadjé qui compose et arrange la quasi-totalité des morceaux. Les membres du crew utilisent le langage du scratch pour jouer un show puissant entre trip-hop mutant et électro-musclé. Si, si, vous allez avoir droit à tout ça dans ce programme dans quelques minutes. Les Scratch Bandits Crew existent depuis 2002 et se sont affranchis du sampling courant 2006 en enregistrant depuis leur propre matière sonore, c'est-à-dire batterie, section cuivre, percussion et synthé. Les deux autres membres du groupe sont DJ Sear et DJ Joe Fresh. À noter aussi qu'il y a un nouveau maxi qui sort avec, pour les fans, une soirée de lancement. Ça sera le 30 avril, c'est donc la semaine prochaine, à l'épicerie moderne, avec en première partie les Chinese Man. Ça sera du côté de Fezin, juste après Lyon. Et puis, en sortie de cette session, je vous donnerai aussi quelques dates, puisqu'ils ont un agenda qui est plutôt chargé. Scratch Bandits Crew. Retour donc du côté de Riorge mardi dernier avec une session qui va durer 17 minutes de très très très bon son. Les Scratch Bandits Crew en live, c'est tout de suite dans Label Rock sur le 89.4 Virgin Radio 1. Pop rock et ça, voilà. On va faire quelques présentations. Faites du bruit s'il vous plaît pour DJ Sear, pour DJ Joe Fresh, moi-même Soupadjé. C'est le Scratch Bandits Crew. Joe Fresh, Soupadjé. Crash Bandicoot. Ma. Bonsoir, Riorge. We gonna go through a couple of things tonight. We gonna party, of course. Then we gonna keep it in the truest essence of hip hop, the battle. The battle. The battle. We gotta keep it in the battle, right, y'all? Yeah. Let the battles begin. Come on! Check the sound. Your motherfucking hand. Check the sound. Check the sound. It's all over now. It's all over now. Que vous écoutez Label Rock sur le 89.4, les Scratch Bandit Crew en live exclusif enregistré au Mardi du Grand Marais mardi dernier. Encore un titre avant la fin de cette excellente session. We'll be right back. wanna fresh style. Fresh, fresh, fresh, fresh. You wanna fresh style. Fresh, fresh. You wanna fresh style. Fresh, fresh, fresh, fresh. You wanna fresh style. Let me show you. Énorme session mardi dernier du côté de Riorge et sur le 894 dans ce programme Label Rock. Ils sont Découverte Rhône-Alpes du printemps de Bourges en 2009. Ils s'appellent DJ Supajay, DJ Sears et DJ Joe Fresh, alias Scratch Bandits Crew. Si vous avez aimé ce genre de son, vous retrouverez à partir de demain matin le site MySpace. Et puis un nouveau maxi hein, qui sort avec pour tous les fans d'une soirée de lancement qui sera le vendredi 30 avril à l'épicerie moderne du côté de Fezin. Avec d'autres guélurons qui s'appellent les Chinese Man, qu'on avait eu l'occasion de découvrir là encore une fois du côté de Riorge au Grand Marais. Parmi les dates, hein, puisque ça cartonne pour les Scratch Bandits Crew, Ils seront aussi le 28 mai au festival Archisounds de Vaux-en-Velin. Le 29 mai, ils seront à la Cava Jazz à Viviez, c'est en Ardèche. Le 26 juin, ils seront du côté de Solidays à Paris. Le 31 juillet, à l'excellent festival Astropolis de Brest. Et ils termineront leur tournée des grands festivals avec le festival Mars Attack du côté de Marseille. Ça sera le 24 septembre prochain. Un grand merci, hein, comme d'habitude, à toute l'équipe de Riorge, mais aussi au Sondier et principalement au Scratch Bandits Crew pour nous avoir permis d'enregistrer et de rediffuser cette session live dans ce programme sur le 494 Virgin Radio One Label Rock. Prochaine session juste avant 20h avec un autre personnage qui a fait vibrer Riorge, c'est Robert le Magnifique. En attendant, pas mal de hip-hop. Je suis en train de regarder la playlist ce soir. C'est vrai qu'on a fait un beau panorama musical. On était parti du côté de la pop. On a un petit peu oublié les guitares comme on aime bien. Donc pour tous les fans de rock, le retour dans les bacs cette semaine d'un groupe qui s'appelle Hole avec une certaine Courtney Love. Skinny little bitch. Dimanche, 18h-20h, Label Rock. It's all and all and all I wanna. sold a soul to war now. Dans Label Rock, avec pour commencer le retour donc de Courtney Love, la veuve de Kurt Cobain, hein, qui rempile avec son groupe Hole. C'est le 14e single, hein, du groupe Hole. C'est leur premier single en 10 ans. Et je ne sais pas si vous avez vu dans l'internet, sur internet récemment, qu'elle s'en est prise à la pauvre Lily Allen qui n'avait rien demandé. Elle l'a traité tout simplement de grosse. Je ne vais même pas vous dire le deuxième mot qu'elle a utilisé. Vous pouvez imaginer du coup ce single est plutôt approprié, hein, puisqu'il s'appelle Skinny Little Beach. Je pense qu'elle devait faire plus référence à elle. Je sais pas si vous avez vu des photos récentes de Courtney Love, mais franchement je peux pas le dire autrement, mais elle ressemble à plus rien, hein. C'est un concours de chirurgie plastique plutôt cauchemardesque, on va dire. Voilà, en tout cas l'album s'appelle Nobody's Daughter, premier extrait donc Skinny Little Beach. Et puis à l'instant, nouvel album pour les Blood Red Shoes, groupe de rock originaire de Brighton en Angleterre. Les Blood Red Shoes, Light It Up, c'est ce qu'on vient de s'écouter, il me semble que c'est le single. En tout cas l'album s'appelle Fire Like This. Steven Hensel à la voix et aux percussions, et Laura Mary Carter à la voix elle aussi et aux guitares. C'est disponible chez V2 et distribué par Coopérative. Autre album très attendu qui va sortir très prochainement, c'est le nouvel album des LCD Sound System. Drunk girls, they have the patience. Drunk Girls, premier single et premier extrait du toujours très bon LCD Sound System, toujours aussi fort pour mélanger la dance music et l'esprit punk rock avec à chaque fois des éléments de disco et d'autres styles qui viennent se greffer par-dessus. Nouvel album qui s'appelle This Is Happening, c'est leur troisième album. On rappelle pour tous ceux qui ne connaissent pas encore LCD Sound System, c'est le projet du producteur James Murphy, entre autres ancien scénariste à la télé. Je crois que c'est lui qui enregistrait, enfin qui écrivait tous les scripts de la série américaine Seinfeld. Et il est aussi cofondateur du label dance punk qui s'appelle DFA Records. Voilà, LCD Sound System, l'album s'appelle This Is Happening et je crois qu'il est sorti ou il sort la semaine prochaine, il me semble. En tout cas, c'est bien. Un premier single, Drunk Girls. Quelle belle surprise hier matin quand j'ai ouvert la boîte aux lettres et que j'ai découvert. Et je vais en profiter pour remercier publiquement et radiophoniquement Gérald du label toulousain We Are Unique Records, car je lui avais envoyé un petit mail cette semaine en lui disant est-ce que tu pourrais me donner s'il te plaît des nouvelles de Angel, hein, alias Michael Mottet. C'est toujours à ce jour-là mon meilleur souvenir du côté des Mardis du Grand Marais, quand il avait fait une session juste avant Acoustic Ladyland avec son autre projet qui s'appelle le John Venture. Et je demandais donc à Gérald est-ce que je pourrais avoir s'il te plaît des nouvelles, car ils vont bientôt jouer du côté de Saint-Étienne et j'ai pas grand chose à dire à la radio et j'ai encore moins de son. Et ben samedi matin, surprise surprise, le nouvel album de Angel and the Hidden Tracks est arrivé délicatement posé dans la boîte aux lettres et franchement ça fait vachement plaisir. Il s'appelle The End, A-N-D hein, comme E-T en français. C'est le troisième album d'Angel and the Hidden Tracks. Ça va sortir sur le label toulousain donc We Are Unique Records. Date de sortie prévue pour le 5 mai. Et autant vous le dire, bah, je l'ai mis tout de suite dans la platine, je l'ai remis dans la voiture et les fans ne seront pas déçu, l'album est tout bonnement magnifique. Tous ceux qui me connaissent savent que j'écoute pas mal de musique dans la voiture et j'ai l'habitude de me trimballer avec des petits post-it et je marque par exemple, bah, j'aime bien la 1, donc à jouer la 1 dans Label Rock ou la 3, la 4. Et bah là c'était difficile, en fait j'ai même pas mis de post-it parce que franchement les 11 titres sont tous aussi excellents les uns que les autres. Certains diront que je suis patriotique parce qu'il est stéphanois, mais non, pas du tout, hein. L'album est vraiment terrible et si Mickaël tu m'écoutes, franchement chapeau, hein. L'album donc The End, Angel and Hidden Tracks, enregistré en live l'été dernier avec dessus beaucoup d'invités prestigieux qui viennent agrandir la famille d'Angel. On retrouve notamment Raymond Howard, Jim Putnam des Radar Brothers, on retrouve aussi Laetitia Sadier de Stereolab, Emma Pollock des Delgados et une certaine Françoise Brode. Ça c'est l'extrait que je vais vous jouer tout de suite. À noter qu'ils seront donc en concert le 6 mai au Fil à Saint-Étienne et le 22 juillet aux Nuits de Fourvière à Lyon. Et ça c'est très très très prestigieux. On y revient justement aux Nuits de Fourvière. Angel. Thought you'd stop for a cigarette. You were so tough and playing hard to get. You had some wistful beauty. Your twitching lips I could not see. Many radio stations were vying for our attentions. Michael, why don't you? I don't know. Sure you do. And this is no road movie. This is no one more story. Mm-hmm. watching the outside tinsel like films and titles. This is no one-horse story. Thelma or Louise, un extrait du magnifique album, troisième album de Angel and the Hidden Tracks, le Stéphanois Michael Motet qui, une fois de plus, met la barre très très haut. Et si vous avez aimé ce son, et ben, il faudra attendre donc le 5 mai pour la sortie de l'album. Et le lendemain, ils seront du côté du Phil à Saint-Étienne en concert le 6 mai. Et je vous disais que la bonne nouvelle, c'est qu'ils seront aussi, et ça c'est vraiment une date très prestigieuse, ils seront le 22 juillet du côté des Nuits de Fourvière à Lyon. Voilà, en parlant des Nuits de Fourvière, reçu une belle accréditation aussi. Et du coup, je vous donne un petit peu d'avance, mais le dimanche 28 juillet, on a le temps de voir venir les choses. Hein, mais il n'y aura pas d'émission exceptionnellement de Label Rock, puisque j'ai été officiellement invité par les Nuits de Fourvière. Allez applaudir Arnaud, Florent, Didier, en première partie d'un groupe londonien que j'ai largement publicité sur cette antenne, qui s'appelle The XX, et ça faisait un bon moment que j'avais vraiment envie d'aller les voir. Et je vais profiter donc vous m'excuserez, mais ça sera relâche ce soir-là. Et puisqu'on parle du Festival des Nuits de Fourvière, ne pas oublier les Américains de The National qui sont doublement dans l'actualité avec l'annonce de ce concert à Lyon. Ils seront eux aussi aux Nuits de Fourvière, mais aussi avec la sortie de leur nouvel album qui s'appelle I Violet, cinquième album plus qu'attendu pour un groupe américain que certains considèrent comme tout simplement le meilleur groupe de rock du monde actuellement. L'album va sortir le 11 mai prochain chez 4AD. Premier extrait officiel qui s'appelle Bloodbuzz Ohio. C'est téléchargeable gratuitement sur le site du groupe. Et donc deux dates, les seules dates françaises. Là aussi j'y serai, mais ça tombe en semaine, donc il n'y a aucun souci. Le 12 et 13 juillet aux Nuits de Fourvière, avec en première partie, je ne sais pas dans quel ordre ça va être en fait, mais sur le même plateau, The National et Vampire Weekend. Ça s'annonce comme une excellente date. Du côté de Lyon, dans le magnifique amphithéâtre des Nuits de Fourvière, ça va être génial. Allez, The National, donc l'album sort le 11 mai prochain. Premier single qui s'appelle Bloodbuzz Ohio. I never married. my still owe money to the money, to the money I owe. The floors are falling out from everybody I know. I'm on a blood, yes I am. Yeah. I'm on a blood. I'm on a blood buzz. God, I am. I'm on a blood buzz. I was carried to Ohio in a swarm of bees. I never married, but Ohio don't remember me. I still owe money to the money, to the money I owe. I never thought about when I thought about home. I still owe money to the money, to the money I owe. The flows are falling out from everybody I know. I'm on a blood buzz. Yes, I am. I'm on a blood buzz. I'm on a blood buzz. God, I am on a blood buzz. La grande classe, tout simplement, de National Bloodbud Ohio. C'est le premier extrait du nouvel album qui s'appelle High Violet. Il faudra attendre donc le 11 mai pour acheter ce cinquième album, je vous le disais, très attendu. Et je vous redonne encore une fois les dates, hein, 12 et 13 juillet, les Américains qui seront donc aux Nuits de Fourvière avec les New Yorkais de Vampire Weekend. Énorme date. Grosse date aussi que je vous annonce depuis un mois et demi, c'est la venue d'un Français, c'est mon album préféré du moment. Il s'appelle Boogers, c'est sur le label At Home. L'album s'appelle As Clean As Possible. Il sera du côté du Phil vendredi, hein, vendredi 30 avril. Donc du son que je vais vous ramener, peut-être pas dimanche, hein, je sais pas si j'aurai eu le temps de monter tout ça, mais en tout cas dimanche suivant, ça c'est sûr. Une belle interview, j'en suis sûr, avec le Français, donc Boogers. 30 avril donc, en première partie des Naïve New Beaters, ça va être énorme. Je vois l'heure, il est 51 et j'ai pas encore diffusé le live de Robert le Magnifique enregistré à Riorges, donc on va déborder, mais bon, il fait beau et vous êtes sûrement en train de boire l'apéro, donc c'est pas un souci. Allez, Boogers, il faudra y aller donc vendredi prochain. Et Boogers, c'est ça pour ceux qui ne connaissent pas. We'll be right back. c'est excellent et c'est français. L'album s'appelle Clean as Possible. L'artiste s'appelle Boogers, disponible sur le label des Tite Nacelle. Tiens, ça n'a rien à voir, mais je viens de percuter. Le label s'appelle At Home et il sera donc Boogers en concert en première partie des Naïve New Beaters ce vendredi 30 avril du côté du Phil à Saint-Étienne. Dernier live pour ce soir avec Robert le Magnifique, rappel historique, bassiste français, donc un compositeur électronique. Il se lance dans la musique en 1999 et devient à la même occasion le premier artiste à signer avec le label Idouet. C'était en 2002. Il a depuis sorti 3 albums solo, style musical qui oscille entre l'électro, la pop, le trip-hop, le hip-hop et la drum and bass. Pas trop d'autres informations concernant ce fameux Robert le Magnifique qui a donc fait une très belle session pour nous et pour les Mardis du Grand Marais. C'était mardi dernier, c'était en deuxième partie des Scratch Bandits Crew et ça va être tout de suite dans Label Rock. On est parti pour un joli set de 12 minutes donc tous ceux qui pour qui la scène française manque, et dans 12 minutes pas de soucis, on rend l'antenne. Allez, Robert le Magnifique en live dans Label Rock sur le 89.4 Virgin Radio One, pop rock et électronique pour l'occasion. Yeah. Tu m'étonnes. Chest to cave, address the rage, rush the stage just to blaze. Glorifying glamour and gore is just the face. Cutting down the rainforest for cows just to graze. It's killing the populace while you clone test two days. Text to change cause the fantasies they try to feed us. Under the bridge drumming for fleeing Anthony Kiedis. I ran from your leaders who got the truth confused. It's the man for being and the one who's removed. Robert le Magnifique en live, en session, enregistré mardi dernier à Riorges. Thank you. Forget about the effects. Ça donne à réfléchir. Mm-hmm. C'est vrai, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je crois que c'est l'amour. Excellent, Robert Le Magnifique, enregistré mardi dernier du côté de Riorges. Excellente session encore une fois. On a été garni ce soir, hein. Excellent programme, j'ai eu beaucoup de plaisir au cours de ces deux dernières heures, hein, depuis 18h. Je m'excuse pour tous ceux qui ont l'habitude de réécouter la scène française à 20h. On a pris un petit peu de retard, mais ça valait vraiment le coup. J'espère que vous avez passé une agréable début de soirée en ma compagnie. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, 18h, 20h. Vous dire qu'à partir de demain matin, vous retrouverez cette session, hein, cette émission en podcast sur www.virginradio1.fr. Vous cliquez sur l'onglet Label Rock et vous aurez le son en intégralité, ainsi que les liens avec tous les artistes diffusés et le track listing, ce qui est toujours utile. Quoi vous dire d'autre? Demain, pas d'émission avec Marilyn Beltette qui est partie en vacances. Du coup, elle sera remplacée par Emmanuel Demont qui, lui, revient de vacances. Et oui, on se lâche un petit peu sur le 89.4, c'est l'heure des vacances. Les infos à 7h30 avec Pascal Jacquet. Et évidemment, la semaine prochaine, l'événement, c'est le retour de Paul Brideau vendredi et dimanche, puisqu'on va vous faire vivre sur cette antenne 89.4 Virgin Radio One l'intégralité de la finale de la Coupe d'Europe de basket avec donc Paul et Fabrice. Soyez présents au cas où la chorale irait en finale, et je le souhaite de tout mon cœur. Et ben du coup il y aura peut-être un petit décalage au niveau de Label Rock, mais je suis sûr que vous serez présents sur le 89.4 pour vivre ce très grand moment de sport. Allez, ce coup-ci c'est terminé, je vais raccrocher le casque, fermer le micro, remballer mes petits disques et vous souhaiter une excellente fin de week-end, une très bonne soirée. On se retrouve donc la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Soyez sages, comme d'habitude, mais pas trop. Et je vous dis... Label Rock, tous les dimanches soirs, de 18h à 20h. 2 heures de son, pas comme les autres.